âmes sœurs, à qui la vie fait tellement peur, quand s'aimer est une certitude, on a parfois peur de l'habitude. N'être que l'ombre de soi-même, après avoir chuchoté je t'aime, avoir le regret de faire souffrir, ayant voulu croire en l'avenir. Yeah.